J'ai cru entendre Santa Esmeralda. En rentrant du travail, j'avais le portable, j'écoutais Santa Esmeralda, je crois. Non, c'est vous qui avez joué Santa Esmeralda, non? Il me semble. Où j'ai rêvé? C'était pas ce serveur-là? Merde. Je me rappelle de la pochette avec toutes ces femmes autour de lui. Ouais. Avec un super break au milieu du morceau là. Gloria, ça s'appelait Gloria. Ah, j'ai retrouvé. Ah. Les filles sont rentrées. Thank you.